Unité 8, leçon 1, exercice 55, généralisé. Exemple. À métier égal, les femmes gagnent moins que les hommes. La plupart des femmes, à métier égal, gagnent moins que les hommes. À vous. 95% des ménages disposent d'une baignoire ou d'une douche. La plupart des ménages disposent d'une baignoire ou d'une douche. Parmi les Français qui ont des problèmes de vue, 92% portent des lunettes. La plupart des Français qui ont des problèmes de vue portent des lunettes. 85% des enfants sont aujourd'hui scolarisés entre 2 et 5 ans. La plupart des enfants sont aujourd'hui scolarisés entre 2 et 5 ans. 84% des jeunes de 15 à 19 ans placent la musique au premier rang de leur centre d'intérêt. La plupart des jeunes entre 15 et 19 ans placent la musique au premier rang de leur centre d'intérêt. 85% des Français estiment nécessaire de connaître la composition des produits alimentaires. La plupart des Français estiment nécessaire de connaître la composition des produits alimentaires.